Et on va commencer tout de suite avec la wellness du jour, c'est-à-dire une petite hypnose guidée, méditation que vous pouvez faire chez vous ou pas. Bref, elle nous vient tout droit de Pompon la Tulipe. Et voici. Hypnose guidée. Deviens un musicien ou une musicienne contemporaine sans sombrer dans l'ésotérisme. Promis. Installe-toi confortablement. Ferme les yeux. Respire profondément. Inspire. Expire. Laisse-toi aller. Tu es en train de devenir un musicien ou une musicienne contemporaine. Ça va bien se passer. Enfin, normalement. Le monde s'efface. Plus de métro, plus de mails, plus d'algorithmes qui te suggèrent des playlists douteuses. Tu n'es plus qu'un être fait de sons et d'expérimentations. Une fréquence errante dans le vide cosmique du malentendu généralisé. Un son émerge. Ce n'est pas une belle note. Ce n'est même pas une note d'ailleurs. C'est peut-être un couinement, un grattement, une casserole qui tombe au loin. Parfait. Voilà ton matériau brut. Tu te frottes les mains mentalement avec un bruit de frottement bien amplifié en réverbération. Le temps s'étire, mais pas comme dans une rêverie douce. Plutôt comme dans une répétition interminable où l'altiste a perdu la mesure. Chaque bruit devient un univers parallèle. Un grésillement de câbles mal branchés. Un poème, une porte qui claque. Une symphonie. Une toux dans le public. L'apothéose. Rien n'est plus hors de propos. Tout est matière première. Tu n'as plus besoin de chercher l'harmonie. Tu as dépassé ce concept bourgeois et limitant. Ici, le chaos est ton chef d'orchestre, l'accident t'amuse. Le malaise du spectateur ta plus grande réussite. Tu es un sculpteur du bruit, un alchimiste du son imprévu. Tu écoutes l'univers en stéréo. Tu prends des notes mentales sur la rythmique aléatoire du monde. Le crissement d'un stylo, le bip d'un micro-ondes, la pulsation insistante de ton voisin qui tape sur son clavier comme un bûcheron. Tout cela compose la grande partition de ton œuvre. Respire cette liberté. Expire le solfège traditionnel. Inspire l'absurde. Expire la peur d'être incompris. Car de toute façon, personne ne comprend vraiment ce que tu fais. Et maintenant, tout doucement, tu reviens. Le monde reprend forme. Mais quelque chose a changé. Tu entends la musique cachée derrière le bruit du quotidien. Chaque grincement est une note. Chaque soupir est une cadence. Chaque instant est une performance d'avant-garde. Même si le public ne le sait pas encore. Ouvre les yeux. Regarde autour de toi. Tout est son. tout est musique. Maintenant, va faire du bruit. Ok. Merci, Pompon, pour cette hypnose guidée. J'espère que ça vous a fait beaucoup de bien.